Second chapitre, le coffret de fer. Lorsque Nicolas Trémel franchit la grande porte de son beau château, il faisait nuit noire. Il jeta la bride à ses valets sans mot dire, monta le perron d'un air distrait et se rendit tout droit à la chambre de son petit-fils. Georges dormait. C'était un joli enfant blanc et rose, dont les cheveux blonds se bouclaient gracieusement sur les broderies de l'oreiller. Sans doute un doux songe visitait en ce moment son sommeil, car sa bouche s'entr'ouvrait en un charmant sourire, tandis que ses petites mains s'agitaient et semblaient soutenir une lutte de caresses. Quand les enfants s'ébattent ainsi en de joyeux rêves, les bonnes gens du pays de Rennes disent qu'ils rient aux anges. Pensée charmante et poétique, à coup sûr. Mais en Bretagne, tout ce qui est poétique et charmant tourne bien vite à la mélancolie. On regarde cette joie du sommeil comme un présage de mort. L'enfant rit aux anges parce que les anges de Dieu sont là, autour de son chevet, pour emporter son âme au ciel. Nicolas Trémel se pencha sur la couche de son petit-fils. Sa lèvre barbue toucha la joue satinée de l'enfant qui ne s'éveilla point. « Arthur de Bretagne !» murmura le vieux gentilhomme qui ne pouvait oublier les paroles de Jean Blanc. « Si le dernier rejeton de ma race allait être sacrifié... Mais non, cet homme est un fou et mon cousin de Vaunois ne ressemble point à l'anglais Jean sans terre. » Il s'assit auprès du chevet de Georges et donna son esprit à de profondes méditations. Monsieur de la Trémelay, puissamment riche et noble, comme nous l'avons dit, avait perdu son fils unique 2 ans auparavant. Ce fils, qui avait nom Jacques Trémel et qui était père de Georges, avait été de son vivant un homme fort et brave. Nicolas Trémel lui avait inculqué de bonne heure sa haine pour la France, son amour pour la Bretagne, deux sentiments qui, chez lui, affectaient tous les caractères de la passion. La mort de Jacques fut pour le vieux gentilhomme un coup bien cruel. Ce n'était pas seulement un fils, c'était l'héritier de ses croyances qui descendait dans la tombe. Il se sentait vieillir. Aurait-il le temps d'inoculer à Georges sa haine et son amour? Les monarques, à qui Dieu retire le fils qui devait continuer leur œuvre politique laborieusement commencée, regardent avec désespoir le berceau de l'orphelin royal. Cet enfant mettra 20 ans à se faire homme, et il ne faut qu'un jour pour voir crouler une dynastie. Nicolas Trémel n'était pas roi, mais se regardait comme le dernier représentant d'une pensée vaincue qui pourrait à son tour remporter la victoire. Jacques était son bras droit, son successeur, son alter ego. Georges n'était qu'un enfant. Au lieu d'une arme à l'épreuve, Nicolas Trémel n'avait plus qu'un frêle roseau dans la main. Il y avait, de par la province de Bretagne, une famille pauvre et de noblesse douteuse qui se prétendait branche de Trémel et ajoutait ce nom au sien propre. Avant la mort de Jacques, M. de la Trémelay avait intenté à cette famille de Vaunois un procès pour la contraindre à se désister de toute prétention au nom de Trémel. Le procès était pendant et, suivant toute apparence, le Parlement de Rennes allait condamner les Vaunois lorsque Jacques mourut. Ce fatal événement sembla changer subitement les desseins de M. de la Trémelay. Il arrêta l'action pendante au Parlement de Rennes et invita Hervé de Vaunois, l'aîné de la famille, à se rendre aussitôt près de lui. Celui-ci n'eut garde de refuser l'invitation. Il traversa la forêt, monté sur un piètre cheval de labour. Arrivé sur la lisière qui touchait le domaine de Trémel et les futaies du Bouexy, il ôta respectueusement son feutre et salua toutes ses richesses, tandis qu'un triomphant sourire relevait les coins de ses minces lèvres sous les crocs fauves de sa moustache. Hervé de Vaunois pouvait avoir alors 40 ans. C'était un petit homme replet, à chevelure roussâtre, dont les exubérants anneaux encadraient un visage souriant et d'expression débonnaire. Ses yeux gris disparaissaient presque sous les longs poils de ses sourcils. Mais ce qu'on en voyait était fort avenant et cadrait au mieux avec la fraîcheur vermeille de ses joues. En somme, il avait l'air du meilleur vivant qui fût au monde, et il était impossible de le voir une seule fois sans se dire « Voilà un excellent petit homme ». La seconde fois, on ne disait rien du tout. La troisième, on pensait à part soi que le petit homme pouvait bien être point si bon qu'il voulait le paraître. Chemin faisant, il inspecta le manoir du Bouexy, qu'il trouva très à son gré. Les fermes métairies et tenues qui lui parurent bien en point, et les bois dont il admira cordialement la belle venue. Pendant cela, son sourire vainqueur ne le quittait point. On eût dit que le petit homme se voyait déjà dans l'avenir propriétaire et seigneur de toutes ces belles choses. Mais ce qui le flatta le plus, ce fut le château de la Tremblay lui-même. À la vue de ce fier édifice qui ouvrait sur une immense avenue sa grande porte écussonnée, Hervé de Vaunois arrêta son cheval de charrette et ne put retenir un cri d'allégresse. « Saint Dieu ! » murmura-t-il tout ému. « Notre maison de Vaunois tiendrait avec ses étables, écuries et pigeonniers sous le portail de ce noble château. Il faudrait que Monsieur Nicolas Trémel, mon cousin, eut l'âme bien dure pour ne point me donner un gîte en quelque coin, et quand on a pied dans un coin et bonne volonté, le diable fait le reste. » Il souleva le lourd marteau de la porte et mit de côté son sourire pour prendre un air humble et décemment réservé. Monsieur de la Tremblay était assis sous le manteau de la haute cheminée de la salle à manger. À son côté, un grand et beau chien de race sommeillait indolemment. Dans un coin, le petit Georges, âgé de 4 ans alors, jouait sur les genoux de sa nourrice. On annonça Hervé de Vaunois. Le vieux seigneur se tourna lentement vers le nouveau venu et le chien, se dressant sur ses 4 pattes, poussa un sourd grognement. « Paix, Job !» dit Monsieur de la Tremblay. Le chien se recoucha sans quitter des yeux le seuil où Hervé se tenait découvert et respectueusement incliné. Monsieur de la Tremblay continuait d'examiner ce dernier en silence. Au bout de quelques minutes, il parut prendre tout à coup une résolution et se leva. « Approchez, monsieur mon cousin, » dit-il avec une brusque courtoisie. « Vous êtes le bienvenu au château de nos communs ancêtres. » Hervé ne put retenir un tressaillement de joie en voyant sa parenté, à laquelle il ne croyait guère lui-même, si tôt et si aisément reconnu. Sur un geste du vieux seigneur, il prit place sous le manteau de la cheminée. L'entrevue fut courte et décisive. « J'espère, monsieur de Vaunois, » dit Nicolas Trémel, « que vous êtes un vrai breton. »« Oui, saint Dieu, mon cousin, » répondit Hervé, « un vrai breton. » Déterminé à donner sa vie pour le bien de la duchée, sa vie et son sang, monsieur de la Tremblay, ses os et sa chair, détestant la France, saint Dieu, abhorrant la France, monsieur mon digne parent. À la bonne heure, s'écria Nicolas Trémel enchanté. Touchez là vos noix, mon ami, nous nous entendrons à merveille, et mon petit-fils Georges aura un père en cas de malheur. Hervé fut installé le soir même au château de la Tremblay et, depuis lors, il ne le quitta plus. Georges lui était spécialement confié et nous devons reconnaître qu'il affectait en toute occasion pour l'enfant une tendresse extraordinaire. Les choses restèrent ainsi durant 18 mois. Monsieur de la Tremblay prenait Hervé en confiance. Il le regardait comme un excellent et loyal parent. Les commensaux du château faisaient comme le maître, et Vaunois avait l'estime de tout le monde. Il n'y avait que 2 personnages auprès desquels il n'avait point su trouver grâce. Le premier et le plus considérable était Job, le chien favori de Nicolas Trémel. Le second n'était autre que Jean Blanc, l'albinos. Chaque fois que Vaunois entrait au salon, Job fixait sur lui ses rondes prunelles et grognait dans ses soies jusqu'à ce que Monsieur de la Tremblay lui eût imposé péremptoirement silence. Vaunois avait beau le flatter, il perdait sa peine. Job, en bon breton qu'il était, avait la tête dure et ne changeait point volontiers de sentiment. Monsieur de la Tremblay s'étonnait souvent de l'aversion que Job montrait à son cousin, Cela lui donnait même parfois à réfléchir, car il tenait Job pour un chien perspicace, prudent et de bon conseil. Mais Vaunois, d'autre part, était si humble, si serviable, si dévoué. Et puis, saint Dieu, il détestait si cordialement la France. Le moyen de concevoir des soupçons sérieux contre un homme qui abhorrait monsieur le régent. Quant à Jean Blanc, sa haine était beaucoup moins redoutable. Jean Blanc, en effet, occupait dans l'échelle sociale une position infiniment plus humble que celle de Job. Il était, de son métier, tailleur de cercle, passait pour idiot et n'eût point pu soutenir son vieux père sans l'aide charitable de monsieur de la Tremblay. Il était reçu dans les cuisines du château parce que l'hospitalité bretonne accueillait hommes, mendiants et animaux avec une égale religion. Mais c'était à grand-peine qu'il conquérait sa place au feu, et il lui fallait exécuter bien des cabrioles pour désarmer le mauvais vouloir du maître d'hôtel lors de la distribution des vivres. « Arrière, méchant lapin blanc !» disait ce chef des valets de Trémel. « N'as-tu pas honte, gibier de rebut, de demander la pitance d'un chrétien ?» Jean, suivant son humeur, hochait la tête en éclatant de rire ou baissait ses yeux pleins de larmes. Parfois, un éclair de raison ou de fierté semblait traverser sa cervelle. Alors, la bordure enflammée de ses paupières devenait livide, tandis qu'une tache écarlate se dessinait sur sa joue. C'était l'affaire d'un instant. L'écuyer Jude prenait le parti du pauvre albinos, dont l'apathie naturelle avait déjà triomphé de sa fugitive colère. « Un peu plus de charité, maître Alain, » disait l'écuyer Jude au majordome. Jean Blanc est le fils de son père, qui était un digne serviteur de Trémel. Notre monsieur n'entend pas qu'on traite ainsi les bonnes gens de la forêt. » Jude ne mentait point. Nicolas Trémel était doux envers ses vassaux. Mais, si accompli que soit le maître, l'insolence, cette gangrène de la valetaille, sait toujours se faire place en quelque coin de l'office. Alain, le maître d'hôtel, grommelait un juron armoricain et coupait à Jean Blanc un morceau de pain de mauvaise grâce. Celui-ci trempait aussitôt sa soupe, sans rancune apparente, et dévorait avec la plus parfaite égalité d'âme. Quand il avait fini, on lui donnait une seconde écuelle de bouillon bien chaud qu'il portait à son père, Mathieu Blanc, le vieux vannier de la fosse aux loups. Cette tranquillité de Jean Blanc était-elle feinte ou réelle ? Nous ne saurions trancher cette question d'une manière précise, et parmi ceux qui le connaissaient, les avis étaient partagés. On s'accordait à reconnaître que sa cervelle ne contenait point la somme d'idées raisonnables que comporte l'intelligence de l'homme. Mais était-il sérieusement idiot ? Tant que durait le jour, il chantait de bizarres refrains sur les couronnes de hauts châtaigniers. Il gambadait le long des chemins. À vêpres, son blême visage grimaçait à faire pâmer de rire chantres, marguilliers et bedeaux. Et pourtant, Jean soignait son vieux père avec l'attention délicate d'une fille dévouée. Quand Mathieu avait besoin de remède, Jean travaillait le double, et plus d'un paysan affirmait l'avoir vu le soir, agenouillé et priant au chevet du vieillard endormi. En outre, on le savait capable d'une reconnaissance sans bornes. Il s'était jeté sans armes au-devant d'un sanglier qui menaçait l'écuyer Jude, son protecteur. Et il avait escaladé plus d'une fois les hautes murailles du jardin de la Tremblay, rien que pour baiser en pleurant de joie les mains du petit monsieur Georges, le fils de son bienfaiteur. Sa tendresse pour l'enfant était poussée jusqu'à une sorte de passion, et ceux qui ne croyaient point à l'idiotisme de Jean disaient que sa haine pour monsieur de Vaunois venait de ce qu'il le regardait comme un intrus, destiné à frustrer le petit Georges de son héritage. Il disait cela quand il n'avait point à dire autre chose de plus intéressant, car, bien entendu, Jean Blanc était un sujet de conversation fort secondaire. À part Vaunois qui le craignait vaguement et d'instinct, Jude et monsieur de la Tremblay, qui ne dédaignaient point de causer parfois familièrement avec lui, personne ne s'occupait beaucoup du pauvre albinos. On admirait sa merveilleuse adresse à tous les exercices du corps, comme on eût admiré l'agilité d'un chevreuil de la forêt. Sa douteuse folie ne l'entourait pas même de ce mystérieux prestige qui s'attache, dans les contrées demi-sauvages, aux êtres privés de raison. Les gens de la forêt se défiaient de sa démence et ne la trouvaient point de franc calois. Quant aux femmes, Jean était pour elles un objet de dégoût ou de moquerie. Elles riaient en apercevant de loin sa face enfarinée que nous ne saurions comparer qu'au masque populaire de nos pierrots. Elles frissonnaient lorsque le soir elles voyaient briller, sous le neigeux linceul de sa chevelure, l'éclat phosphorescent de ses yeux rouges. Revenons à Nicolas Trémel que nous avons laissé méditant au chevet de son petit-fils Georges. Sans doute le sujet de ses réflexions le captivait bien puissamment, car durant de longues heures, il demeura immobile et si profondément absorbé qu'on eût pu le prendre pour l'un de ces vieillards de pierre qui dorment autour des antiques tombeaux. L'horloge du château avait sonné minuit depuis longtemps lorsqu'il secoua sa préoccupation. Il se leva, son visage était sombre, mais résolu. Il saisit la lampe qui brûlait auprès de lui et traversa doucement la salle, assourdissant le sonore cliquetis de ses éperons pour ne point troubler le sommeil de Georges. « Vaunois est incapable de me trahir, » murmurait-il. « Je le crois, sur mon salut je le crois, mais la loyauté n'exclut pas la prudence. » Et il n'y a que Dieu pour sonder jusqu'au fond le cœur des hommes. Je veux prendre mes précautions. » Le vent des nuits courait dans les longs corridors de la Trémelay. Nicolas Trémel, abritant de la main la flamme de sa lampe, descendit le grand escalier et se rendit à la salle d'armes où reposait Jude Lecker, son écuyer. Il l'éveilla et lui fit signe de le suivre. Jude obéit aussitôt en silence. Monsieur de la Trémelay remonta d'un pas rapide les escaliers du château, traversa de nouveau les longs corridors et fit entrer Jude dans une petite pièce de forme circulaire qu'il avait choisie pour sa retraite habituelle. Lorsque Jude fut entré, monsieur de la Trémelay ferma la porte à double tour. L'honnête écuyer n'avait point coutume de provoquer la confiance de son maître. Quand Nicolas Trémelay parlait, Jude écoutait avec respect. Mais il ne faisait point de questions. Cette fois, pourtant, la conduite du vieux seigneur était si étrange, sa physionomie portait le cachet d'une résolution si solennelle que l'écuyer ne put réprimer sa curiosité. « Mon respecté seigneur, » commença-t-il. Nicolas Trémel lui imposa silence d'un geste et fit jouer la serrure d'une armoire scellée dans le mur. De cette armoire, il tira un coffret de fer vide qu'il mit entre les mains de Jude. Ensuite, prenant au fond d'un compartiment secret de pleines poignées d'or, il les empila méthodiquement dans le coffret, comptant les pièces une à une. Cela dura longtemps, car il compta 100 000 livres tournois. Jude n'en pouvait croire ses yeux et se creusait la tête pour deviner le motif de cette conduite extraordinaire. Quand il y eut dans le coffret 100 000 livres bien comptés, Nicolas Trémel le ferma d'un double cadenas. « Demain, » dit-il d'une voix basse et calme, « tu chargeras cette cassette sur un cheval, sur ton meilleur cheval, et tu iras m'attendre avant le lever du soleil à la fosse aux loups. » Jude s'inclina. « Avant de partir, » reprit monsieur de la Trémelay, « tu prieras monsieur, mon cousin de Vaunois, de se rendre auprès de moi sur le champ. Va !» Jules se dirigea vers la porte. « Attends !» poursuivit encore Nicolas Trémel. « Tu t'habilleras comme on fait lorsqu'on ne doit point revenir au logis de longtemps. Tu t'armeras comme pour une bataille où il faut mourir. Tu diras adieu à ceux que tu aimes. As-tu fait ton testament ?»« Non !» répondit Jules. « Tu le feras !» continua monsieur de la Trémelay. Jules fit un signe d'obéissance passive et emporta la cassette.